Bonsoir, chers auditeurs de Radio Galère. Ce soir, c'est un débaton d'Anguirou un peu spécial qui va avoir lieu puisque, cher docteur, cher coach, mes complices ce soir, nous allons ouvrir notre seconde succursale, une succursale cette fois-ci consacrée après la bite dans la porte pour le ballon ovale, au cyclisme. Et cette succursale, nous avons choisi de l'appeler celle Massages et Vendée U. Bonsoir, docteur. Bonsoir, mon cher Manuel. Bonsoir à toutes les auditrices, tous les auditeurs que j'espère nombreux ce soir à la découverte de la petite reine. Bonsoir, coach. Comment allez-vous ? Bonsoir à tous. Alors, je voudrais commencer par m'excuser auprès de tous les amoureux du vélo, puisque n'ayant aucune science du vélo, il ne va rester de moi ce soir que mon mauvais esprit. Je suis désolé. Ça promet en effet. Nous avons un invité fameux, un invité spécial, comme quasiment à chaque numéro. Docteur, je vous laisse le présenter. Oui, bonsoir, Julien Lejard. Alors, Julien Lejard, vous êtes avant tout un passionné de cyclisme. Quelqu'un qui a monté le Ventoux, quelqu'un qui monte encore de temps en temps le col qu'on appelle la Gardiole, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et donc vous êtes aussi par ailleurs vidéaste, on pourrait vous qualifier ainsi, ou artiste, je ne sais pas comment vous qualifierez. En tout cas, nous sommes très très heureux de vous accueillir pour parler de cyclisme. Écoutez, merci de cette invitation d'abord. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tout le monde. Et je suis effectivement ce que vous avez dit, à quelque chose près. Je suis artiste, je suis vélocipède, j'ai lu, je pratique, j'aime. Je répare, je bricole. Et à côté de ça, j'essaierai d'apporter un regard, je ne sais pas s'il est éclairé, mais en tout cas, de proposer quelque chose de plus ou de moins. Nous verrons. Et oui, puisque le sommaire que vous nous avez concocté, docteur, est très riche, il promet. Nous avons choisi cette émission sur le cyclisme. Nous voulions en savoir un peu plus clair et nous avons choisi de l'organiser un peu comme un colloque, si je ne m'abuse. Exactement. Il s'agit en fait d'un colloque autour de l'histoire, de l'actualité et pourquoi pas de la pratique vélocipédique. Voilà, donc on va. C'est pour ça aussi que notre ami Julien Lejard sera précieux, puisque c'est un homme qui connaît l'histoire, un homme qui connaît l'actualité et surtout un homme qui pratique la bicyclette. Et ça va être très très intéressant pour essayer d'approfondir quelques thématiques que je vais vous présenter assez grossièrement, hein, pour ne pas non plus m'étendre sur les sujets. Mais il va y avoir un premier temps qui va essayer de traiter de ce Tour de France et finalement de ce désamour progressif vis-à-vis du Tour de France. Alors est-ce que c'est un phénomène qui nous touche, nous, juste parce que finalement, avec l'âge, eh bien, on s'aperçoit que nos héros d'antan sont de plus en plus dopés. Mais peut-être que c'était la même chose en fait il y a quelques années. Donc ça, ce sera intéressant de voir si c'est juste en fait finalement une forme de maturité que ce désamour. Ensuite, on va aborder un autre sujet, celui de l'addiction. Alors pour ce faire, on aura donc des invités téléphoniques dont vous nous parlerez tout à l'heure, mon cher Manuel, et on essaiera de voir en fait en quoi le cyclisme est un sport qui quand même génère de l'addiction, d'une part au poste de télévision, puisqu'il s'agit quand même de s'enfiler des heures et des heures de route pas forcément très très intéressante, mais aussi parfois accro à la console, puisqu'il arrive à certains, notamment de nos invités téléphoniques, de pratiquer des jeux de cyclisme qui consistent uniquement en un management. Et puis aussi, bien sûr, l'addiction aux diverses drogues qui ont étayé l'histoire du cyclisme. Enfin, dans un troisième temps, on évoquera la flamme rouge, c'est-à-dire l'arrivée, le sprint, le final, finalement la consécration du cycliste qui, après quelques heures passées sur sa selle, eh bien, franchit la ligne d'arrivée, la plupart du temps perdant. On ne m'entendait pas. Débattons d'Anguirou, c'est ce soir sur Radio Galère. Ne soyez pas surpris, chers auditeurs, nous parlerons bien ce soir de cyclisme. C'est celle Massages et Vendée U. Et on démarre tout de suite cette émission avec cette première partie, la première partie de ce colloque que nous avons choisi d'intituler « Il y a quelque chose de pourri dans cet hexagone ». Docteur, vous venez de présenter le sommaire complet et relativement détaillé de cette émission. Je vous laisse introduire cette première partie. « Il y a quelque chose de pourri dans cet hexagone », bien sûr, nos auditeurs les plus lettrés auront reconnu la référence. Oui, eh bien, je vais une nouvelle fois prendre un ton très doctoral, hein, je m'excuse pour nos auditeurs une nouvelle fois, d'ailleurs je m'excuse aussi du retard, hein. Et puis moi maintenant je vais arrêter de m'excuser. Bah, moi je m'excuse, si vous me permettez, auprès de nos prochains invités téléphoniques qui nous attendent vers 10h, malheureusement je crois que nous prendrons un petit peu de retard. Bien sûr. Alors, il y a quelque chose de pourri dans cet hexagone. C'est vrai qu'on peut se demander comment en un siècle on est passé des héros, des forçats de la route, à une image maintenant de cyclistes qui sont des mal-aimés, des pauvres types. Des victimes, au final, telles que se définit lui-même un certain Richard Virenque. Alors, le Tour de France, c'est d'abord le mythe des compagnons du devoir, à l'épreuve de la grandeur et de la richesse technique d'un pays. Puis, c'est aussi un livre de la Troisième République, celui de deux enfants qui lisent leur pays au prisme de la doctrine patriotique généralement de mise à l'époque. Enfin, c'est une épreuve cycliste fondée en 1903, toujours liée, attachée à l'argent, celui de la presse, celui de la publicité, avec bien sûr des valeurs patriotiques qui sont au final très droitières, qui font que la gauche ne s'intéresse au phénomène que quand celui-ci devient véritablement incontournable dans les années 1930, avec aussi une popularité accrue de la bicyclette, puisque parfois on part en vacances à bicyclette. Pendant un demi-siècle, le cycliste il va incarner la figure du soldat inconnu, du glorieux sacrifié sur le tarmac, de la virilité, à l'épreuve de la fortune, comme l'indique un certain Roland Barthes, qui dans son livre Mythologie, paru en 1957, explique. Par sa géographie, le Tour est donc un recensement encyclopédique des espaces humains. Et si l'on reprenait quelques schémas vichyens de l'histoire, le Tour y représenterait cet instant ambigu où l'homme personnifie fortement la nature pour la prendre plus facilement à partie et mieux s'en libérer. On est alors à une époque où ce sont des héros personnifiés par Bobet. La seconde phase, elle arrive plutôt à partir des années 60 et de l'entrée dans une modernité médiatique faite de spectacles et matinées d'idéologie. Apparaissent en France même une rivalité interne, une forme de guerre civile larvée, entre Anquetil, arrogant éternel vainqueur, et Poupou, coureur, soi-disant propre et valeureux perdant. C'est le début de la vraie mythologie. À l'âge des dieux succède celui des hommes, pas celui de la construction des héros, mais bien celle de leur destitution, celle qui nous intéresse au final, comme d'habitude. À partir de là, il n'y a plus le héros Bobet, mais bien des froides machines toutes puissantes que l'on admirera sans pour autant les aimer, pour reprendre l'adresse de Marcel Barbu au général de Gaulle. Anquetil, Merx, Inno, Indurain, les peintes à tour et meufs peu. On leur préférera désormais les lanternes rouges, les misérables, les gueux. Et à la fin, Kill Your Idols, Lance Armstrong, qui poussera le vice jusqu'à égorger le Tour, ce spectre de la compétition laisse même un palmarès vierge. Depuis les années 2000, le cyclisme est tourné en dérision. Reste que pour les aficionados, dopage et autres scandales électriques importent peu. Tant qu'il y a de la misère, il y a matière à spectacle. Alors ce qui nous intéressera ici, c'est comment considère-t-on au final les cyclistes actuels? Et c'est la question que je pose à mes confrères ce soir. Est-ce notre regard qui a changé sur eux? Est-ce la société du spectacle qui les a pervertis? Ou bien est-ce que c'est leur statut de sous-prélétaire du sport qui fait qu'ils sont ainsi brocardés, puisque les cyclistes sont probablement les plus ridicules des sportifs actuellement? Alors, beaucoup de choses abordées par vous, Doc, qu'il faudrait reprendre en détail. Notre regard a changé, je ne suis pas certain. Le Tour de France, si on doit parler de lui, est une course au long cours de 3 semaines. Dont le niveau kilométrique n'a cessé de progresser et puis s'est stabilisé. Nous sommes encore au niveau des 3000 km. Nous sommes encore sur des efforts qu'on peut qualifier de surhumains. Et pourquoi est-ce que nous disons surhumains? C'est aussi la question. Est-ce que le public, ce peuple bordé au bord des routes, souhaite voir des efforts, du spectacle, des records? Le record appartient aussi bien aux coureurs qu'au public. Il y a 2 records. À prendre en compte. Notre regard, du coup, je pense, en tant qu'avisé, sera certainement moins tendre, mais le public, lui, au bord des routes, sera toujours émerveillé et tiendra ça en son cœur. Je ne pense pas que ce regard ait changé, en tout cas. D'accord, vous ne sentez pas, vous, et je m'adresse aussi à l'ensemble des participants de ce colloque, bien sûr, un désamour qui progresse? Non, selon vous, les statistiques, par exemple, sont formelles. Il y a toujours autant de spectateurs à l'arrivée des étapes de Tour. Il y a encore autant de villes candidates à l'organisation de ce Tour de France, pourtant si décriées dans les médias. Et c'est vrai que c'est étonnant de même voir autant de sponsors parvenir tout de même à continuer à financer des équipes, alors que l'image du cyclisme pâtit. On se souvient très bien de l'affaire Festina et du désamour engagement de cette entreprise à la suite de l'affaire Fessina. Donc c'est vrai que c'est assez paradoxal. Et ça, ce sont des phénomènes qui sont, à mon avis, nouveaux tout de même. Alors, si je peux prendre la parole... Manuel. Non, moi, c'est un face-à-face, Manuel. Je diviserai tout cela en deux parties assez distinctes. D'abord, le côté, comme vous l'avez dit, sponsor... et le côté sponsor, qui, moi, à mon avis, est dû à un travail médiatique, quoi qu'il arrive, très bien fait. Et je pense que les équipes qui vont faire le Tour de France trouveront toujours un sponsor, quoi qu'il arrive, puisque la couverture médiatique est telle pour cet événement et est mondiale. Donc à partir de là, il y aura toujours une envie de montrer sa marque à la télévision. Par contre, on pensait qu'il pourrait y avoir un désamour du public et ça ne m'a pas l'air d'être complètement le cas. Moi, je l'explique par ceci, c'est que c'est un des rares, voire le seul sport professionnel de très haut niveau que l'on peut voir gratuitement en descendant en bas de chez soi sur la route, si tant est que le Tour de France passe en bas de chez soi. Et c'est quand même... je crois remarquable, puisqu'il faut maintenant payer 30 balles pour aller voir un match de foot minable, il faut payer plus pour aller voir un match de tennis à Roland-Garros. Eh bien, le Tour de France, on peut le regarder gratos. Et puis enfin, je dirais que le Tour de France, notamment, c'est aussi le temps des vacances, mon cher docteur. Et les vacances, les congés payés, les Français y tiennent beaucoup et ils sont très très attachés, je crois, à ce qu'il y ait une petite étape où il y a le Tourmalet au milieu. Pendant leurs vacances. Il ne faut pas oublier, effectivement, comme vous le signalez, Manu, que certaines parties de la population prennent leurs vacances car le Tour de France existe. Nous en sommes presque là. Et que certains dépensent peut-être pas l'argent du billet pour aller dans le stade, mais préfèrent le mettre dans le plein de leur camping-car pour suivre, quitte à espérer peut-être un tour. On ne va peut-être pas parler du dopage tout de suite, mais qu'il soit propre, qu'il soit beau, qu'il soit proximal, qu'il soit près d'eux. Certaines de ces personnes-là donc, font le choix du plein dans le camping-car, font le choix de regarder leurs coureurs et font le choix aussi de partager des grillades, de partager des pique-niques avec leurs amis croisés sur les routes d'été. Le Tour de France est un Tour de France social, un Tour de France de la France, comme disaient certains commentateurs que je ne citerai pas aujourd'hui. C'est vrai que ce côté populaire, il est clairement établi. Et peut-être que moi, je ferais justement un lien avec ce traitement médiatique extrêmement virulent parfois. C'est vrai que c'est un des sports qui est le plus brocardé, le plus étudié par les médias, le plus moqué. C'est aussi que c'est un sport de pauvres. Il ne faut pas oublier que la plupart des cyclistes viennent de milieux extrêmement défavorisés tout de même. Ça coûte cher, certes, d'avoir un vélo, mais quand on voit l'origine sociale des cyclistes, c'est très, très souvent des classes populaires. Alors certes, en général, c'est des personnes qui peuvent se payer un vélo puisque c'est quand même nécessaire pour la pratique de ce sport. Et les clubs ne payent pas l'équipement en vélo. Mais moi, je pense qu'il y a quand même d'une moquerie finalement de classe, d'une classe qui regarde avec condescendance ce cyclisme qui est pour eux un sport d'abrutis. Et c'est vrai que le traitement des cyclistes qui arrivent à des interviews après 5h30 de course fait que effectivement leur discours est très souvent un discours un petit peu abruti par rapport à, c'est vrai, d'autres sportifs qui sont invités dans d'autres émissions, qu'on voit dans d'autres traitements médiatiques, alors que le cycliste, finalement, sa seule place, c'est le discours après l'arrivée ou tout au plus le vélo club de Gérard Holt. Il fallait voir Laurent Fignon après ses arrivées, qui se faisait appeler quand même l'intello, de par sa faconde, de par sa faculté à analyser les courses, de par sa faculté à comprendre le milieu dans lequel il roulait, tout simplement. Une de ces personnes qui faisait croire par sa faconde, par sa verve, que le vélo n'était pas non plus ce milieu crétin et dur, qu'on pourrait comparer parfois au milieu des jockeys, qu'on a déjà certainement tous entendu en interview après une course, et qui faisait mal au cœur et mal aux oreilles. En effet, mais c'est vrai que l'ami Fignon, par exemple, n'était pas tellement aimé du public. Tous les intellos, c'est finalement vrai. Attention à ne pas se dégager de ce public de qui on doit se faire aimer, pardon. Attention à ne pas employer de termes trop techniques. Attention à rester proche de ces gens qui votent pour vous, presque, et qui, lorsque vous passez au bord des routes, doivent vous faire sentir leurs applaudissements et leur soutien. Élément indispensable lorsqu'on se prétend vainqueur et grand. Surtout qu'ils vous tapent sur les fesses quand vous passez. Donc, si vous êtes moins bien apprécié, ils taperont d'autant plus fort. Il y aura peut-être moins de bidons d'eau sur les nuques, il y aura peut-être moins d'encouragement, c'est vrai, il y aura peut-être moins de panneaux, moins de bordures blanches et d'écritures sur les routes d'école, qui sont, je pense, pour un cycliste importantes. C'est vrai, la poussette, je le rappelle, est interdite dans le Tour. La vie s'y est entier, roule sur les pavés. Louison mauvais, tout le chevalier, roule, seul dans l'arrivée. Louison mauvais, comme un éclair de par les mots lettrés. Louison mauvais, le peuple s'arrêtait, s'arrêtait de l'aller. Vas-y Louison! Louison mauvais, le ventre bien enflé, file comme un boulet. Louison mauvais, le poids loin apparaître, la flamme du dernier kilomètre. Louison mauvais, comme un éclair de par les mots lettrés. Le peuple s'arrêter de l'aller. Vas-y Louison! Louison mauvais. Louison mauvais. Louison mauvais. Louison mauvais. Bon vas-y Louison! Louison mauvais. Raymond, regarde là-bas. Je le reconnais, mais c'est Louison Bobet. Vas-y, Louison. Louison Bobet. La bicyclette en pied. Roule sur les pavés. Louison Bobet, tout le chevalier. Roule, ça va l'arriver. Louison Bobet. Louison Bobet, nous en avons parlé dans votre introduction, mon cher docteur, et là, il est mis à l'honneur par le fameux groupe Ludwig von 88, une playlist que vous avez choisie vous-même, docteur, cette fois-ci. Oui, sur cette chanson-là, mais vous avez apporté votre belle contribution à d'autres œuvres artistiques, d'autres chanteurs formidables. Ludwig von 88, donc sur Selle, Massages et Vendée U, votre émission cycliste sur Radio Galère. On continue ce colloque et on avance dans notre première partie. Il y a quelque chose de pourri dans cet hexagone. Avec un petit reportage, je ne sais plus, docteur. Alors, c'est un propos d'actualité. C'est un propos du jeune Alexis Lehmann qui va nous traiter du renouveau français et des enfants de Cyril Guimard. Alors on va écouter ça, il nous a envoyé ça de sa région d'origine. Non, de sa région d'adoption qui est la région toulousaine et à proprement parler la ville de Toulouse en réalité. La ville rose qui n'est pas une ville de cyclisme complètement à proprement parler, mais on va écouter tout ça. Bonsoir messieurs cyclopédés, si je vous dis danseuse, giclette, montée au train, vous me répondez irrémédiablement cyclisme. À en croire que la scène francophone se réveille après des années de léthargie. Servie sur un plateau à 43 dents bien sûr, je vous présente une analyse du milieu de la pédale francophone. Après Richard et Jaja arrive donc le temps béni des coloscopies. Les teams françaises ont muté, elles tentent maintenant de rattraper les 15 ans de retard qu'elles ont. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Outre un tempérament de winner, elles méritent un staff de rockstar. Bain de cryo, ostéo, homéo et des gros euros. Quelle est l'équipe type? Un leader bien sûr et son lieutenant en cas de chute du chouchou. Un sprinter et ses deux poissons pilotes, car je peux vous dire qu'à 40 000 balles la victoire au sprint, ça donne des sous-sous à la compta. Alors on investit. On poursuit avec 2-3 baroudeurs, des mecs qui se tapent les petites étapes Dreux-Angers avec 180 km d'échappée. Ça part au kilomètre 2 vers 11h du matin avec un bol de choc à pic dans le gosier, tout ça pour se faire rattraper par le peloton. Le théorème de Chapat n'y fera rien. Pour finir, il faut un esclave, porte-bidon, échangeur de roues crevées, moldave, tchèque, lituanien ou slovaque, plus vous êtes proche de Tchernobyl, mieux c'est. La voici, la bonne martingale. En France, on n'a pas de peau belge, mais on a des idées. On doit cette modernité à un couple, Cyril et Raphaël. Raphaël Gemignani, dans les années tapis. Ce gras monsieur est un mélange de Louis Nicolin et de Gervais Martel, avec un phrasé à la Jean Gabin. L'autre, c'est Cyril Guimard, grand champion des 70s, impénétrable avec son style de dandy la croupe. Il reste encore aujourd'hui un maître bourré d'expérience pour tous les jeunes en mal d'aventure. Leur science du vélo les a permis d'engendrer trois fils qui chapeautent le cyclisme français. Je vais vous les présenter. L'aîné, c'est Jean-René Bernodeau, le romantique. Il travaille au service de la France. Vendéu, bonjour, l'homme qui fait aimer Bouygues et les télécoms. Europe Car, c'est lui. La Volkermania, c'est lui. Il nous a donné des beaux hommes, courageux, mais peu victorieux. Une quatrième place au Tour avec Thibelin en 2010 et un maillot à poids avec Pierre Roland. Le reste, non, rien en Pro Tour. Cette maison de retraite du cyclisme tricolore est une équipe taillée pour un Paris Camembert ou un Tour de Bretagne, mais pas un Dauphiné ou l'Aubisque. Ces exploits ont valu à l'équipe de Jean-René une relégation en Division 2. Pour autant, avec leurs bonnes dengues de ch'tis qui ont mangé le bitume, les organisateurs les invitent souvent, comme bêtes de foire. Attention, sur un malentendu, ils pourraient scorer. Dans la famille, je voudrais le surdoué, Marc Madiot, ancien coureur. On a là le garçon digne de serrer la paluche de Poupou sans baisser les yeux. La Française des Jeux, énorme sponsor. Rien de tel qu'une loterie nationale pour vous arroser de subventions. Ça a marché pour la Once en Espagne, ça marche avec la Loto en Belgique. On réinvente un univers. La loterie et les jeux de grattage ne riment plus avec RMI, mais avec Transpi. Madiot les bons tuyaux a le coaching très paternaliste. Gueulant à la fenêtre de son Opel Astra pour motiver les poulains, William Bonnet au sprint, Jérémy Roy, l'intello et son diplôme d'ingénieur, mais aussi fort gaillard en montagne. Mais surtout, Thibaut Pinot, futur vainqueur du Tour, le panache et la fougue d'un copy, selon Gérard Holtz. Seul hic, le garçon a le vertige et ne supporte pas la vitesse. Bah, moyen Thibaut. Autre recrue de choc, élevé par Marc Madiot, Arnaud Démare, vainqueur d'un Milan-San Remo 2016, dans lequel ses méchants adversaires latins l'ont accusé de s'être fait tracter par la voiture à 500 mètres de la ligne d'arrivée pour le finish. Avec un récit comme ça, on peut parler de French Flair. Et le numéro 3, et le petit dernier de la famille Guimard, c'est Vincent Lavenu, directeur sportif d'AG2R. C'est lui le plus scolaire des trois, mais il possède le plus fort potentiel. Prenant des coureurs de 3ème zone pour en faire des seconds couteaux. Tout un programme. Le premier podium depuis 20 ans, c'est lui. Le maillot blanc, c'est lui. JC Perrault, vététiste pré-retraité, bourré d'expérience, bing, seconde place. Le petit Romain Bardet, curieux et vif, 6ème en 2014. 9ème en 2015, avec une victoire d'étape dans l'escarcelle. Chapeau. Villermoz qui coiffe Valverde en course de côte, c'est ça qu'on veut, Bibi. Miser sur ces hommes amateurs fils de la petite reine, ces renégats de la route inspirent respect et restent des damoiseaux fort bien lotis. À vous les studios. On lit entre les lignes de la contribution à ce colloque sur le cyclisme d'Alexis Le Mann. Une certaine amertume, un certain cynisme quant au savoir-faire des dirigeants français, des grandes équipes qui font le Tour de France, mon cher docteur. J'ai envie de vous demander si ce n'est pas là une des raisons du désamour face au cyclisme, le manque de résultats des Français dans le Tour de France. Bah, il est vrai que nos commentateurs sportifs ont l'habitude toujours de nous parler des Français dans le Tour. C'est extrêmement important. Très bizarrement, c'est des équipes qui ne sont pas nationales en fait, qui courent. Et au final, on compte toujours les victoires d'étape des Français. Et il faut bien avouer que depuis ce bon vieux Laurent Fignon, aucun vainqueur du Tour, c'est-à-dire depuis maintenant 27 ans, je crois, le dernier Tour de Fignon, ça doit être en 89, si je ne m'abuse. Et donc, on peine à avoir des équipes. Alors, on a bien sûr dit que c'était souvent le dopage qui faisait que nos coureurs propres ne parvenaient pas à grand-chose. On a bien vu que ce n'était pas le cas, en réalité. L'ami Cyril Guimard, le père spirituel de tous ces directeurs sportifs, a traîné dans pas mal d'affaires, était dans la vie claire avec Bernard Tapie, donc c'est quand même un type qui était assez sulfureux, notamment pour le cas Greg LeMond, qui a avoué par la suite se doper. Ce désamour, en tout cas, pour nous, je vois pas tellement d'intérêt finalement à s'intéresser aux coureurs français plus qu'aux autres. Moi, ça m'intéresse pas forcément. Ce que j'aime bien dans le cyclisme, c'est finalement que la stratégie, le jeu du cyclisme arrive parfois à se mettre en place, c'est-à-dire attaquer des leaders soi-disant inattaquables et puis faire des courses incroyables, notamment dans les étapes de montagne. Et c'est ça qu'on aimerait voir. On cherche souvent le panache. Mais avant de revenir sur cette notion de panache, qu'affectionne particulièrement le public, c'est-à-dire de gicler du peloton, comme le notait notre ami chroniqueur juste auparavant. Il y a une sorte d'antinomie ou de schizophrénie dans ce public. C'est-à-dire que si l'homme, le leader, le vainqueur du Tour de France, écrase le Tour, la suspicion vient comme une seconde sœur, comme un ami de la famille, et vient se greffer à cette notion d'effort et de victoire, et vient ternir du coup ce tableau. À croire que peut-être on préfère des Français second ou troisième ou quatrième qu'un homme qui écraserait le Tour et du coup oblitérerait sa victoire d'un timbre malfaisant, d'un timbre drogué ou autre. Je n'ai pas exactement le mot, mais il y a cette schizophrénie dans le vélo qui est très gênante et qui, depuis toujours, porte ce sport. Moi, ça me semble pas tellement gênant, puisque ce qui ne m'intéresse pas vraiment dans le sport, c'est la notion de victoire. Et finalement, de ce point de vue-là, la France a toujours été à la pointe de ce que le baron de Coubertin promouvait, c'est-à-dire que l'important était de participer, non pas de gagner. C'est vrai que ça fait qu'une quinzaine d'années, au final depuis la Coupe du Monde 98, qu'on estime qu'il faut gagner dans le sport pour être reconnu. Et je trouvais que justement, un des intérêts du public français, et puis finalement de sa considération sportive, c'était de s'intéresser plus à l'effort, à la beauté du jeu qu'au résultat. Et ça, moi, je trouvais que c'était assez intéressant. Alors, ce qui est bien, c'est que ça reste au niveau des résultats en matière de cyclisme. Par contre, au niveau des commentaires et des appétences, on va dire, eh bien, ça a pas mal changé. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que les résultats, on le connaît, il sera nul. Alors, moi, je voudrais juste intervenir. Parce que je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait que, effectivement, les coureurs soient mal aimés. Et ensuite, il y a le Tour de France. Ce qui, a priori, n'est pas le regard qui est porté dessus n'est pas tout à fait la même chose. Puisque le Tour de France, c'est un tour à étapes. C'est-à-dire que même si, au final, il y a un vainqueur, il y a quand même un vainqueur chaque jour. Et à chaque fois, finalement, un petit peu, on remet quelque chose en jeu. Et ça joue aussi sur finalement, la passion qui peut déchaîner. Sachant qu'en France, si le Tour de France est aimé, je ne suis pas sûr qu'on ait le même amour sur le Tour d'Espagne ou le Tour d'Italie, qui doivent être plutôt considérés comme des tours de seconde zone, etc. C'est-à-dire, il y a quand même l'aura du Tour de France existe toujours. Alors effectivement, le Giro et puis le Tour d'Espagne, qui sont deux grands tours, il ne faut pas l'oublier, deux grands tours, c'est-à-dire des courses à étapes au long cours avec un kilométrage monstrueux, tout comme le Tour de France, mais sont classés par les commentateurs et du coup par les médias comme des courses qu'on peut éviter pour certains grands coureurs qui cherchent le Tour comme première victoire. Certains ont fait le doublé, certains ont fait Giro plus Tour de France. Ils sont rares, ils font peu légion. Lorsqu'un coureur choisira le Giro plutôt que le Tour de France, on le prendra peut-être là pour le coup en désamour, en se disant qu'il aurait dû plutôt choisir le Tour de France. Alors ce Tour de France, effectivement, premier événement sportif suivi au monde, gratuit, sur plus d'une centaine de chaînes, amène tout un tas de public, de pression, de choix. Et ces coureurs-là, qui choisissent ce Tour-là de France, essayent de rendre ce qu'on leur donne, c'est-à-dire de l'amour du public. Je reviendrai là-dessus parce que je pratique. J'ai moi-même couru, mais pas en club. J'ai couru seul souvent, me suis fait traiter de dopé du côté de la Sainte-Victoire, du côté de certains petits cols du haut de Provence, vers les Baux par exemple. J'ai monté le Ventoux une fois, c'était par 15 heures de l'après-midi, par 30 degrés au soleil. J'ai pu apprécier ce que c'était la solitude d'un cycliste. Je n'ai pas eu le public à mes côtés. Je ne sais pas si le public aurait pu changer quelque chose à mon effort. Mais il me semble en tout cas que cette solitude du cycliste, outre ses courses à étapes, outre ce coureur seul dans cette montée, outre ce public absent pour mon compte, rendait tout de même cet effort absolument présent. Et j'aimerais leur rendre hommage. C'est simplement un hommage que je voulais rendre à tous ces coureurs. On va poursuivre cette première partie, on va conclure cette première partie de notre colloque. Il y a quelque chose de pourri dans cet hexagone avec vous. Coach, vous souhaitiez introduire un dernier débat, le cycliste mal aimé. Oui, donc j'ai fait une petite introduction qui ressemble fort à une croquine. Ah, j'en attendais. Où finalement, je me pose cette question, je m'interroge sur cette idée que finalement, le côté mal aimé du cycliste sportif dépasse peut-être justement le simple rapport au sport, mais peut-être s'adresse à des questions du vélo et s'apparente peut-être aussi dans un second point à des questions esthétiques. Bien, c'est vrai que vous poursuivez parfaitement ce que disait Julien sur sa pratique. Peut-être pour l'étendre sur la télévision. Alors, lors de la course cycliste Vlaughton Wells de 2015 au Pays de Galles, les coureurs sont tombés par surprise sur des punaises disséminées sur un tronçon du parcours. Le peloton a dû descendre de selle pour porter les vélos et éviter les obstacles sur la section minée avant de rechausser et repartir. Alors pourquoi les gens sont-ils aussi méchants avec les amateurs de pédale ? Alors à droite, à gauche, on entend souvent dire « je n'aime pas le vélo car cela me fait mal aux fesses ». On entend aussi souvent dire le cyclisme, ah oui, c'est le VTT, le truc que l'on met sur sa voiture pour des dizaines de kilomètres en bagnole polluante pour aller pédaler dans la boue en forêt. Bon, en fait, le cyclisme, tout comme l'amour, sont deux disciplines qu'il convient d'approcher scientifiquement en fondant l'hypothèse que sur ce coup-là, le rationalisme ne s'explique pas. Donc, quand en plus on se met en pensée au cyclisme en termes de désamour, on n'a pas fini d'avoir mal aux fesses. Mais le vélo, de toute façon, a toujours navigué en danseuse entre le vélo bashing et la popularité. Sa longue histoire ressemble à s'y méprendre au synopsis d'un telenovela qui s'appellerait « Amour, gloire et développement durable ». En 1869, le journal Le Gaulois publiait « Les vélocipédistes sont des imbéciles à roulettes ». En mars 1870, Madame de Puparlier demanda le divorce, alléguant que son époux montait un vélocipède. Et, suprême persécution, en 1874, la préfecture de police de Paris condamna chaque véhicule au port d'un grelot. À ce propos, cette ordonnance est toujours en vigueur aujourd'hui. On devrait donc voir les Vélib affublés de cloches pour bovins, ainsi que toutes les machines du Tour. Le sprint final sur les Champs-Élysées aura une autre gueule. Mais voilà, ensuite, le coût d'achat d'un vélo se démocratise et l'idée que cet instrument puisse servir pour se transporter d'un point à un autre fait son chemin. Et peut-être que les courses sportives, comme le Tour de France et ses milliers de kilomètres, participèrent à ce changement de point de vue. Entre deux guerres, la bicyclette retrouve son statut d'instrument de distinction sociale, changeant néanmoins de propriétaire pour passer des bourgeois et devenir ainsi le véhicule de la classe ouvrière. À partir de la fin des années 50 et des années 60, et l'avènement du tout voiture, la pratique du vélo utilitaire s'effondre en France. Ce qui fait qu'à l'apogée d'un 20e siècle d'enfer, il n'y aura bientôt plus ni ouvriers ni vélos. À partir de là, le vélo devient en quelque sorte un luxe. Et pourtant, le Tour de France demeure malgré tout un événement dont la popularité ne se dément pas. Mais cet amour aveugle marque sans doute un début de la fin. Car aujourd'hui, plus que jamais, le cyclisme semble déchu de sa noblesse et de sa vaillance, sans cesse remis en cause dans son fair-play et sa sportivité. Alors qu'est-ce qui pourrait s'être passé ? En tout premier lieu, le problème du vélo comme objet de luxe tient dans le fait que la société de production de consommation occidentale a fait du luxe aujourd'hui une idéologie totalitaire. LVMH est plus fort que Tonton Mao. Le coureur cycliste n'est alors qu'un enfoiré de Sonderkommando. Au contraire, la dictature de l'idéologie démocratique amène à faire croire que, de point, il n'y a pas de cyclistes, seulement des gens qui font du vélo. Libéraux et progressistes montent au pinacle le vélocipède comme véhicule des valeurs de progrès, de modernité et de liberté. Le deux roues à pédale porte en lui la promesse d'une société égalitaire et moins hiérarchique. Le sportif professionnel représente alors une double déviance monstrueuse, économique et morale, à cette normalité égalitaire. Mais aussi, entre cyclistes et automobilistes, c'est comme entre chien et chat. La guerre s'est intensifiée. L'individualisme radical vomit les tièdes, c'est l'époque qui veut ça. Que ce soit en piste cyclable ou pour les courses, les espaces privés et les routes fermées au trafic automobile deviennent l'enjeu d'une lutte urbaine et politique sans merci, sans prisonniers et sans matière grise ajoutée. Le Tour de France n'est alors qu'une farce de propagande au service des ennemis de la super liberté sans plomb. Mais encore, le cycliste, comme n'importe qui en ce monde, fait les frais du libéralisme universel des préjugés sociaux qui veut que chaque être humain subit une généralisation abusive des traits négatifs associés à son existence. Pour les vélophobes et les non-vélophiles, la petite reine est invoquée pour symboliser la gentrification, la richesse, la blanchité et l'élitisme oppressif. Les coureurs professionnels en deviennent une bande de mercenaires collabos d'une nomenclature à patenter. Le tour défile en peloton à travers les villes et les campagnes pour répandre la terreur et intimider la populace. Mais alors donc, le désamour serait-il d'ordre symbolique et politique, qui passerait donc d'un vélo pratiqué par Monsieur Tout-le-Monde à un vélo sportif professionnel? Et faut-il remettre des clochettes au vélo du Tour? Donc ça, c'est la première partie. Par rapport à une question d'ordre esthétique, voilà, le délit de sale gueule du coureur ne vient pas uniquement du dopage, de ce sentiment de trahison qu'éprouve une partie du public avec son vieux foncato de l'effort et de la douleur rédemptrice du chemin de croix. Il est aussi d'ordre esthétique, à mon avis. Indiscutablement, de cette réflexion de philosophie qui est motivée par la perception et la sensation du beau. Donc ce déni de l'esthétique au profit de l'ergonomie de l'effort joue pour beaucoup, selon moi, à donner une image négative du vélo, car elle l'empêche au minimum de sauver les apparences. Il en revient à l'affichage et la pose du cyclisme, à leur accoutrement de scènes lycra jambière qui manque singulièrement de style et de panache au nom d'une sombre aérodynamique. Cette moralité lisse du corps, dont les courbes des dos cassés, les galbes monstrueux des cuisseaux, vient se couvrir de logos publicitaires et de noms de marques au profit d'un tas de sponsors qui transforment les athlètes en hommes sandwich. On voit cette parade commerciale de latex multicolore traverser les beaux paysages de France pendant la Grande Boucle. On est heureux parfois des cadrages un peu larges en hélicoptère pour dévier le regard sur un champ de pâquerettes, une montagne romantique ou de vieilles ruines qui tapissent le parcours. Et parfois, les coupures pubs passent inaperçues. Franchement, Chris Froome, ou Fromm, je ne sais pas trop comment on prend. Froome. Alias Froomey, pour certains. Alias Froomey, avec un col en fraise, une chemise à jabot, un casque tricorne et des cuissardes à la Francis Lalanne auraient plus de gueule, il ne se ferait pas pisser dessus. Sans compter que ces vilains costumes, par mimétisme du kidam à pédale qui s'y croit, viennent se multiplier et polluer le dimanche espaces urbains et départementaux, qui en plus ils le font gratuitement. Lors d'une émission animée par Gérard Holtz, Bernard Hinault, surnommé à propos le blaireau, critiquait le tour féminin en arguant qu'une femme sur un vélo qui grimace d'effort, c'était moche. Il avait sans doute oublié de se regarder dans la glace, dans sa panoplie de panneaux publicitaires mobiles, avec son bronzage bigarré et son short à couche culotte. Ajoutez aujourd'hui à cela les casques qui ressemblent à des hommes d'armure folle de boîte SM et les lunettes de soleil façon cyborg des années 80 et vous obtenez un tableau kitsch de peintre du dimanche. Et c'est là que le dopage fait mal en réalité, car il redouble le ridicule de la situation. S'appelle Tour de France, c'est pour ça. Transmission. En effet, il y avait une première version de 1984, nous entendons actuellement la dernière des versions, crois-je. Et puis c'est un morceau qui a pas mal marqué les débuts de la techno. Alors il faut savoir qu'en 2003, pour fêter le centenaire du Tour, l'entreprise de Tour de France a commandé à Kraftwerk finalement un remix, une ressucée un petit peu de leur tube des années 80. J'aimerais faire une petite dédicace à une femme qui m'est proche, c'est-à-dire ma femme, qui m'a offert justement ce vinyle pour compiler l'amour que j'avais du vélo, l'amour que j'avais de la musique et l'amour que j'avais du vinyle. Il signalera l'articulation des mots par des Allemands, les mots synthétique du Tour de France, effort, performance, Tour de France, dit avec un aplomb tout à fait boche, extrêmement beau. Je les remercie. On va passer, chers auditeurs, chères auditrices, à la deuxième partie de notre colloque sur le cyclisme. Celle Massages et Vendéus, c'est votre émission sur Radio Galère. Suce-moi la roue, c'est ainsi que nous avons décidé, docteur, d'intituler cette deuxième partie. De quoi va-t-il s'agir ? Oh oui, loin de toute vulgarité, bien sûr, sucer la roue, c'est finalement ne pas prendre le relais d'un coéquipier, puisque vous savez peut-être qu'en cyclisme, eh bien, il est toujours très très important de s'abriter derrière un coéquipier, puisqu'on va gagner en effort, en tout cas économiser des efforts. Ce deuxième point de ce colloque sur le type cyclisme va donc traiter du cyclisme et d'addiction. Et je vous propose, pour lancer cette deuxième partie, d'écouter un petit reportage qui, lui aussi, nous vient de Toulouse, étonnamment. Voilà, finalement, une banlieue chaude du cyclisme, et qui s'intitule « Un singe en hiver », une partition d'un certain Alexandre Joanneau. Pendant ce temps-là, on va aussi joindre deux nouveaux invités qui vont participer à ce débat, les frères Guignot, spécialistes de Pro Cycling Tour, jeux vidéo, de simulation de courses cyclistes. On les retrouve juste après l'intervention de Monsieur Joanneau. Qui a dit que le vélo était un sport assis pour homme debout ? Ce marabout de la littérature cyclopédique française n'avait-il pas pressenti que ses plus fervents admirateurs seraient avant tout des hommes assis, que la solitude du téléspectateur de cyclisme serait un sentiment obligé? En effet, quand les passions estivales ont pris la route, que l'hiver est arrivé, que reste-t-il du tumulte des cols, de l'indigence de ces arrivées sur le plat où chaque coureur essaie de grappiller quelques places, de ces interminables lacets qui font aussi la grande boucle? Rien. Si ce n'est le souvenir endolori du meilleur compagnon du téléspectateur de cyclisme, son canapé. Si je dois aller à confesse, il me faudra bien avouer mon péché pour la position assise. En cela, la grande famille du vélo se ressemble. Si le point Godwin de tous les regardeurs du Tour est bien atteint lorsqu'il témoigne de ce penchant irrémédiable pour l'océan, n'allez pas croire que ce vice n'est pas sans demander quelques souffrances. En effet, il n'y va pas sans un certain sadisme que de demander à quelqu'un de rester assis plusieurs heures durant, devant le poste, en attendant que ces messieurs en selle aient bien voulu finir ce qu'ils avaient commencé. Pourtant, voilà bien ce qu'attend chaque année tout amateur de cyclisme. Si le masochisme de cela se confirme chaque année par l'audimat, il n'en reste pas moins vrai que les plus durs au mal, ceux qui n'ont jamais craint la flébite, se retrouvent durant la saison morte bien mal en point. Aux champions, l'inconfort des pavés et les massages virils entre coéquipiers, à nous, leurs supporters, la tête dans le guidon et cette inconsolable solitude lorsqu'ils ne sont plus sur nos écrans. Comment y remédier ? Au confessionnal, le curé a toujours quelques solutions pour vous donner l'absolution, même pour Justine et les malheurs de sa vertu. L'infortune de ceux qui se meurent de ne plus voir leurs héros sur des bicyclettes est bien moins prise au sérieux. Dans ce bas monde, les contempteurs de mauvaises mœurs n'ont donc qu'après la sexualité libérée. Moins pour ceux qui sont en roue libre, livrés eux-mêmes, prêts à tout pour un pignon fixe. Cette addiction n'a été comprise que par le meilleur d'entre nous, Antoine Blondin, le seul écrivain à avoir fait fermer une librairie pour ouvrir un bistrot. Malheureusement, il n'eut pas le temps de nous livrer ses remèdes avant qu'il ne prît sa dernière échappée, nous laissant, nous, les moins sportifs des téléspectateurs de cyclisme, avec les affres de notre passion. On peut néanmoins le remercier de nous avoir indiqué de rester en toutes circonstances de joyeux drills, des amateurs patentés de boissons et de jolies circonlocutions, car oui, même les mots tournent dans la tête des fous de vélo. Un dernier mot doit être dit sur la boisson. Un dernier mot doit être dit sur la boisson, la meilleure amante du compagnon du Tour de France et sa seule confidente. Sans elle, aucun de ces reluqueurs de fessiers galbés, à l'approche du mont Galibier, ne connaîtrait cette extase, cette montée progressive vers le septième ciel. Elle est aussi son plus grand péril. Tous ces têteurs de bibines confirmeront mes dires. Il n'y a bien qu'elle qui peut faire gazer ces grands esprits, même lorsqu'ils entament leur longue marche solitaire à la fin de la saison sportive et qu'ils s'apprêtent à migrer vers TF1. Patiemment, ils se languiront d'être de nouveau abreuvés par les exploits de leur champion préféré. Vas-y, donne-moi un galopin, Allez Tony, c'est pour toi la prochaine. Autant de mantras que le téléspectateur de cyclisme, dans son profond désarroi métacyclistique, n'aura de cesse de se répéter en son fort intérieur durant ces quelques mois d'hiver. Mes salutations à tous ces singes en hiver, cyclistiquement vôtre, André Joanneau pour Radio Monte Carlo, je vous rends l'antenne. Merci donc à monsieur Joanneau pour cette contribution à ce colloque. On accueille tout de suite en ligne les frères Guignot, Émeric et Romain. Bonsoir messieurs, est-ce que vous nous entendez ? Oui, bonsoir. Vous... Et toi, tu nous entends bien, toi ? Ouais, on vous entend très bien. Vous êtes à Carcassonne actuellement. C'est ça, ouais. Et vous allez parler avec nous, avec nos invités et nos chroniqueurs, de votre addiction, celle à Pro Cycling Tour, il me semble, jeu vidéo de simulation cycliste. Une vraie addiction, c'est un truc de malade. Ouais, vous êtes toujours dedans ou vous en êtes sorti actuellement ? On en est sorti quand même, on a grandi. Hein. Ouais, parce que c'est un jeu qui... On peut se faire aider, on peut se faire aider. Ouais, alors voilà, on va un peu détailler tout ça. Est-ce que vous pouvez juste nous dire en quoi consiste ce jeu ? C'est un jeu qui est un peu calqué sur le truc de Football Manager un peu. Okay. Tu gères une équipe en fait. Tu gères une équipe, donc en fait tu ne fais pas de vélo. Sportif. D'accord. Non, tu fais pas de vélo. Et donc tu es censé préparer ton équipe à une course et ensuite organiser la course. Très bien. Et donc. Oui, oui, on vous écoute. Voilà, donc en fait, ce que tu as de visible dans le jeu, c'est que tu vois la course en direct et toi, tu es censé donner des instructions à tous tes coureurs. Tu peux lancer une attaque, tu peux dire de faire rouler tes coéquipiers devant le peloton, tu peux les ravitailler, comme un directeur sportif. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question. Pour rebondir un petit peu sur la très belle chronique d'André Joanneau, dont la solitude nous a été très très parlante. Hein. C'est sûr que on se demande si finalement le joueur de Pro Cycling Tour n'est pas quelqu'un qui ne peut pas voir de cyclisme. C'est-à-dire que le Tour de France terminé, que fait un homme de ses après-midi ? Est-ce que par exemple vous jouez pendant l'été à l'heure de la sieste, faute de pouvoir vous reposer ? Est-ce qu'il y a vraiment cette ce côté où on remplace le Tour de France en le vivant à son tour, en vivant une chose qui nous a beaucoup touché, qui nous a vraiment marqué. Est-ce qu'on essaie finalement de remplacer ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire avoir des belles étapes ? Moi, je ne dirais pas qu'on le remplace, je dirais qu'on le prolonge. On prolonge ce plaisir qui est de passer une après-midi à rester captivé, à attendre qu'il se passe quelque chose. Il se passe rien. Par moment, il se passe rien. Quand on regarde le tour, mais aussi quand on joue à Pro Cycling Manager. Et par moment, ça peut être magique. Il vous est arrivé Il y a cette idée de prolonger quelque chose, d'arriver à vivre de nouvelles émotions. J'ai une petite remarque à faire. Ne vous a-t-il pas traversé l'esprit parfois de prendre un home trainer ? Serait-ce déjà faire trop de vélo tout en faisant ce home trainer et se montrer grâce à un vidéoprojecteur placé dans un salon, par exemple, ou dans un garage, et de laisser défiler, comme le proposent des éditeurs de DVD, les étapes, et de suivre avec ce home trainer les étapes fortes, les étapes reines, les étapes de col, et de pouvoir ainsi participer avec un bruit du public enregistré peut-être à une très belle étape. C'est une question. Je crois qu'il y a même, moi ça m'a traversé aussi, mais je crois qu'il y a même des programmes qui sont pensés. Tu peux programmer l'Alpe d'Huez, je crois, sur ton entraîneur, et t'as la même pente, t'as la même. Exactement. Ouais. Mais ça c'est pas votre truc, visiblement. Après le jeu, ça reste un jeu sur console ou sur ordi, c'est justement pour les mecs qui sont pas sportifs mais qui adorent parler du vélo, quoi. Ça me fait penser à un film magnifique. Comme nous, pardon. Nous ne sommes pas sportifs. Non, pas le sportif, l'autre. À vous, Manu. Ça me fait penser à un super film avec Jean-Pierre Darroussin où, comme ça, depuis son jardin, il participe lui-même au Tour de France avec un vélo bricolé sur une planche. Il y a les moments où il faut monter, donc la planche s'incline, etc. Il y a sa femme qui lui amène la musette un peu tous les midis. C'est un film remarquable où la morale, je crois, c'est à la fin, on apprend qu'il ne sait pas faire de vélo lui-même. Un peu ça, ouais. On ne sait pas faire le Tour de France. Vous ne savez pas faire le Tour de France. Il vous est arrivé de gagner de grandes compétitions par le biais de pro. Bien sûr, des Milan San Remo et compagnie. Hein. Ah oui. Jamais le Tour de France. Moi, personnellement, je n'ai jamais gagné le Tour de France. Trop dur. Trop dur. Et vous tiriez la bourre un peu entre frangins ou c'était... Non, souvent tu joues ensemble. D'accord. Tu formes une équipe ensemble et tu, à la limite, t'en disputes. Et c'est vraiment un truc de mecs qui discutent, comme tu peux lire, tu lis les résultats du classement de montagne et tu peux en parler une demi-heure, c'est exactement la même chose. C'est assez intéressant, donc il n'y a pas d'affrontement direct à Pro Cycling Management, et donc vous jouez entre vous, éventuellement contre d'autres participants en ligne, ou vous êtes uniquement seul face à votre console, dans votre canapé, les fesses endolories. Voilà, c'est ça. Exactement ça. Mais je crois que tu peux jouer en ligne, mais on l'a jamais fait ça. Non, c'est trop technologique. On reste entre nous. Et alors, comment est-ce que vous êtes sorti de cette addiction? Ça aussi, ça intéresse beaucoup nos auditeurs. Par le fait d'avoir des enfants, je crois que c'est ça, c'est la famille. La famille, ça sauve de tout. La famille qui vous occupe beaucoup trop maintenant, même. Voilà, donc tu peux plus passer 4 heures samedi à faire ça. Je n'ose plus, ouais. Et non, donc, j'imagine qu'il vous tarde que vos enfants soient assez grands pour eux-mêmes manipuler ce jeu. Vous les donner. Ouais. Docteur, on continue avec nos invités téléphoniques ce débat sur l'addiction dans le cyclisme. Et peut-être par... non, c'est avec vous, coach, qu'on continue. Vous aviez une petite chanson, je crois, à nous faire partager. À moins que vous ayez une question à poser à nos invités. Pas particulièrement visiblement. Alors on va passer tout de suite à votre petite chanson. Je vous propose de rester en ligne avec nous, les frères Guignot, et vous pourrez réagir, bien évidemment. On vous écoute, coach. Donc ça s'appelle Les Nuits de Lance Armstrong. Que c'est bon d'être sportif dopé, car le soir, après avoir tout gagné, quand l'US postal pique le corps, quand doucement tombent les records, je me fais sucer l'hémoglobine, je me fais caresser la créatine, je me fais empeser les hématies, je me fais picorer la pharmacie, je me fais frotter les stéroïdes, je me fais béliner les corticoïdes, je me fais remplir le PO, je me fais ramener le belge en pot. Je me fais farcir les métabloquants, je me fais couvrir l'anabolisant, je me fais gonfler l'acide lactique, je me fais donner les narcotiques, je me fais laminer les hormones, je me fais foyer l'androxolone, je me fais tailler le propranolol, je me fais planter le salbutamol. Je me fais briquer la testostérone, je me fais marmourer les vitamines, je me fais sabrer la nandrolone, je me fais reluire l'insuline, je me fais gauler la THG, je me fais rafraîchir les PFC, je me fais grossir la métabolite, je me fais nourrir l'urine de la bite. Je me fais chevaucher les enfêtes, je me fais chatouiller les plaquettes, je me fais bricoler la DHEA, je me fais gâter le plasma. Mais vous me demanderez sûrement, ce que je fais le jour durant, oh, cela tient un peu le mot. Le jour, je fais le Tour de France sur un vélo. Qui a dit que le vélo... Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. On vous remercie, cher coach, pour cette très belle interprétation. Est-ce qu'il y a du dopage dans Pro Cycling Tour? Alors on va poser la question, on écoute un tout petit peu Plastic Bertrand, effectivement. On pose la question de certains jeux vidéo, effectivement, nous étions manager de Rockstar. C'était dans les années 2000, juste après la chute des tours. Les frères Guignot, vous êtes toujours en ligne. Le coach posait la question pendant qu'on écoutait Plastic Bertrand, de savoir s'il y avait du dopage dans Pro Cycling Tour. Pro Cycling Management. Évidemment. Alors, on peut doper ces coureurs. C'est les joueurs, nous, on se dope. Après, eux, dans le jeu, je sais pas, mais nous, on se dope. Vous dopiez pendant vos parties. Ouais, c'est le clairvoyant. Voilà. Et alors, on se dope à quoi, finalement, quand on joue à ce jeu? Que de l'alcool. Ouais, essentiellement l'alcool. Ouais, ouais. Pas d'autres petites. Oui, voilà. Ouais. Tout ce qui fait tenir, voilà. Ouais. Ne pas oublier que l'alcool fait partie prenante hein, des produits dopants, évidemment, tels que le vélo guignolet en 1892 ou l'élixir de vitesse de Marie Lenning. Voilà, l'alcool a toujours fait partie prenante. Vous êtes dedans, monsieur. On est là-dessus, c'est un produit. On a bon, alors, on a toujours. Ouais, vous êtes très bon. Docteur, est-ce qu'on a une dernière question à poser à nos invités? Non, c'est sûr que effectivement la chopine remplie de trappeuses fait étrangement penser aux peaux belges. Et on doit effectivement saluer nos amis quand même belges pour avoir au final très bien inventé le pot déjà et très bien synthétisé tous ces aspects de la dépendance et de la folie voilà, liés à la petite roue. Et pour revenir quand même sur l'addiction canapesque à la grande boucle, hein, puisqu'il faut bien le dire, très souvent il s'agit d'addiction, puisque se taper des étapes de plaine demande une certaine condition physique, eh bien, il est bien évident que nul ne peut subir un Tour de France en entier sans dopage. Ça, je pense que ça me semble vraiment évident. Voilà, donc c'est vrai que Julien me racontait tout à l'heure, hors antenne, l'histoire de Tom Simpson qu'on peut rappeler. Oui, un cycliste tout à fait classe, qui était réputé pour son franc-parler, mais aussi pour, j'allais dire, son origine britannique, c'est-à-dire une certaine idée du vélo. Ce pauvre type, j'ai envie de dire et de vous dire, cher Doc, et donc décédé sur les pentes du Ventoux, comme on le sait, en 67, c'était en juillet, pendant le Tour, en antenne, après avoir chuté une première fois dans le Mont Ventoux, et puis décède d'un collapse hein, et d'un syndrome d'épuisement. Lui qui, quelques secondes, quelques minutes, quelques heures auparavant, avait abusé de l'amphétamine, qui était alors la première des dopes qu'on se mettait, car elle était particulièrement efficace, mais nocive pour l'organisme. Tout ça arrosé de cognac, tout ça arrosé évidemment aussi de fatigue. Canapesque, là pour le coup, ça n'est pas possible. Il est mort sur le Tour de ces drogues-là et d'avoir conduit son corps au bout, tel un héros, tel un porte-drapeau d'une bizarrerie qu'on retrouvera souvent après dans certains tours. Pantani est là pour le rappeler, dans des circonstances un peu plus troubles, c'est sûr. Maléjac, en 55, s'effondre lui aussi dans le Ventoux avec les amphétamines, encore une fois, qui était à l'époque presque, j'allais dire, mise sous couvert. Antoine Blondin conclut, par exemple, en parlant de l'étape de Tom Simpson, on pourrait s'attendre à de la franchise. Il n'en est cure, il parle de littérature, je le cite. Il est tombé vraisemblablement pour avoir voulu trop bien faire, ce qui me semble l'une des issues les plus naturelles d'un champion. Voilà ce que dit Antoine Blondin de la part de Tom Simpson. Ce n'est pas un commentateur sportif, c'est un écrivain. Il a écrit des chroniques et des centaines de chroniques. Quel étonnement de ma part d'avoir lu ça tout à l'heure. Écoutez, on vous remercie, cher Julien, pour ces précisions. On va remercier aussi nos invités de Carcassonne, les frères Guignot. Vous êtes toujours là. Merci à vous. Merci c'était d'avoir un honneur pour nous. C'était un honneur pour nous aussi. On sait maintenant qu'on peut nous écouter, ou du moins nous entendre, à Carcassonne. je me charge de vous recontacter très bientôt, au moins par SMS dans la soirée, et pour de plus amples nouvelles un peu plus tard. Merci. Allez, parfait. Merci. Allez, à vous, ciao. Et à bientôt. Salut, à très bientôt. On va continuer cette émission, docteur, avec une troisième partie, mais avant ça, on va écouter un petit morceau de musique, je crois. Alors, je ne sais pas si c'est la sélection du coach ou celle du doc, mais en tout cas, c'est parti pour les vents passent. Le soir, quand t'as pris. T'allais mourir à Rimini. Barbe noire t'attendait là-haut. Les pirates étaient fiers de toi. Qui faisait, qui rendait un bel hommage posthume à Marco Pantani, je crois avoir compris, mon cher docteur. Et oui, c'était une très très très belle musique, extrêmement mélodieuse, et puis surtout des paroles remplies d'espoir sur peut-être des courses d'outre-tombe de celui qu'on nommait le pirate, qu'on nommait aussi avant Elefantino, et finalement, bon bah voilà, en devenant El Pirato, Marco Pantani est resté dans l'histoire. Dans cette deuxième partie de Selles, Massages et Vendéus, la succursale cycliste de Des Bâtons d'Anguirou, ce soir sur Radio Galère, nous avons abordé la question des addictions, celle bien sûr du dopage, mais d'autres un peu plus méconnues, comme celle du cyclisme sur canapé. Et il est temps de passer à la troisième et dernière partie, c'est un peu la synthèse finalement de ce colloque. Flamme rouge, voilà, c'est comme ça que c'est intitulé. Et oui, bien sûr, flamme rouge, puisque qu'est-ce que serait une course de cyclisme sans vainqueur, sans arrivée et finalement sans sprint? Alors, ce qui nous importe ici, c'est d'essayer de comprendre que finalement, en cyclisme, comme le disait assez justement le coach tout à l'heure, effectivement, il y a notamment dans le Tour de France une course par jour, donc peut-être 21 vainqueurs d'étapes, mais c'est ça qui est important dans un Tour de France, c'est gagner une étape du Tour de France. Pour la plupart de ces quidam, de ces gens qui évoluent dans un anonymat, qui retourneront à la vie civile après, ce ne sont pas des sportifs qui vont gagner des milliers des cents. Par la suite, ils doivent travailler. Gagner une étape du Tour de France, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et pour cela, très souvent, il faut s'adonner à un jeu que les pistards adorent, celui du sprint. Et je crois, mon cher Manuel, que vous allez nous évoquer un des récents morceaux de la littérature à travers un livre policier d'un certain Jean-Bernard Puy qui s'intitule « 54 13 ». Tout à fait. Alors, il ne sera pas vraiment question de sprint, mais en tout cas, la ligne d'arrivée est dans la mire de ce roman. Commençons par deux citations. Quand vous êtes sur le point, en matière de cyclisme, de pouvoir à peu près tenir la machine en équilibre, de la faire avancer et de la diriger, il faut passer à l'exercice suivant, monter dessus. Procédez ainsi, sautillez sur le pied droit en vous postant derrière elle, le pied gauche posé sur le support de monte, le gouvernail bien en main. Au signal, dressez-vous sur le support, la jambe gauche tendue, lancez l'autre jambe en l'air de manière généralement hasardeuse, appuyez l'estomac contre l'arrière de la selle et tombez. Il s'agissait de Mark Twain, dompter la bicyclette et autres déboires. Aujourd'hui, en dépit de quelques grincheux, le cyclisme semble être entré définitivement en nos mœurs. Dans les bourgades les plus reculées, on rencontre de nombreux vélocipédistes dont certains appartiennent parfois à d'humbles conditions, car, ainsi que la démocratie, la bicyclette court à plein bord. Il s'agissait ici d'Alphonse Allais dans Les Confessions d'un enfant cycliste. Un marronnier de la littérature consiste à annoncer que le sujet du livre, du roman en particulier, n'est que prétexte, n'est qu'une matière servant le vrai acteur de l'œuvre, le style, la littérature, que l'auteur, telle une éponge, se doit de traiter tous les traits et travers de ses contemporains. Mais déjà, ces citations introductives nous feront remarquer qu'il ne s'agit pas toujours de cela et que certains sujets, un en particulier, peuvent être une réelle matière, véhicule même de l'œuvre. Ce sujet, quel est-il ? Ce monde si passionnant que des foules s'amassent sur les bords des routes pour humer son parfum, cet univers si fou que ses disciples squattent chaque été nos routes vallonnées aux grandes dames de notre chef végétarien à tous, le cyclisme. Le cyclisme fera en premier lieu partiellement démentir Gilles Deleuze, pour qui une période pauvre culturellement se remarque notamment par le fait déroutant que les journalistes s'emparent du format livre. Très mauvais ça, dit-il. Car lorsque la plume acérée d'un Antoine Blondin invente sur les routes du Tour la littérature sportive, lorsque l'émotion d'un Jean-Paul Olivier transpire de chacune de ses chroniques, on sent combien ici le sujet transcende la littérature. Et si donc le cyclisme fait contre-exemple aux marronniers suscités, comme le football pourrait d'ailleurs le faire, nous l'avons déjà maintes fois démontré dans des bâtons d'Anquirou, c'est sans doute par la nature même de la passion qu'il suscite. Le cyclisme est populaire, popu, son image est prolétaire, liée à l'enfance, celle des pique-niques familiaux partagés sur les bords de route dans l'attente de la caravane et des coureurs. Il est lié au travail, aux facteurs et à la philanthropie de l'ouvrier charpentier. Le cyclisme, de ce fait, lorsqu'il est sujet de littérature, ne peut être que le fruit d'une passion sincère, pure et belle. Le rugby, sport bourgeois, ne peut, en tant que sujet, magnifier la littérature. Le cyclisme, oui, et il le fait comme lorsque les deux géants du roman populaire, Twain et Allais, s'en emparent. Et que se passe-t-il lorsque les plus beaux exemples de la littérature populaire et prolétaire d'aujourd'hui en font de même ? Cela donne les quelques pages, par exemple, de Traversée de Paris en vélo par Gérard Mordillat dans Vive la Sociale, ou cela donne encore 54-13 de Jean-Bernard Puy. 54-13, c'est un braquet moyen, mais adéquat aux jeunes coureurs échappés du roman de Puy. Je cite. L'Espagnol, on dit qu'il va tirer un 55-12, à Limoges, près de Limoges, autour du lac. T'imagines le 55-12 ? Dans les prologues, je sais que Bornemann essaye même le 55-11, je comprends pas comment il fait. Pour démarrer, bonjour, faut des reins en acier. Moi, je suis au 54-13, le braquet idéal, juste question de mesure. Ou encore, moi je l'aime bien mon 54-13, pas question d'entraîner ou d'enrouler n'importe quoi, il s'agit de choisir ce qui convient, ce qui va vous amener le plus loin possible sans griller la chair des mollets. Le 54-13 développe moins que le 12, exactement 9,13 m à chaque tour de pédalier, mais c'est un nombre magique, le nombre de l'équilibre, cet équilibre entre douleur et réussite, une moyenne du mollet, car tout est dans le mollet. Lilian fait son premier Tour de France. Il reste 3 étapes, la dernière sur le plat, avant le contre-la-montre et les Champs-Élysées. Il est sorti du peloton sur une ruse, ce qui ne se fait pas. Mais tant pis, il fonce, donne tout et prend le large. Tout le long du récit, nous sommes dans sa tête. Nous vivons l'échappée de l'intérieur, ses douleurs, ses impressions, les indications de Georges dans l'oreillette, les indications de l'ardoise, le temps. Puy nous livre un long poème, le souffle du coureur se mêlant à celui de l'auteur. Hommage au cyclisme, certainement, à l'estime qu'il porte au courage des coureurs. À quoi doit-il penser ? À quoi doit-il ne pas penser ? Ne pas polluer sa tête, trouver les sources de motivation, penser au prochain coup de pédale, aux autres coureurs du peloton, à la prochaine côte. À travers lui, Puy décrit le cyclisme de l'intérieur, pas celui des champions, celui du Pékin en cuissard et maillot bariolé. Les machinations publicitaires, le gros chocolat réconfortant dans la musette du ravito, le caméraman qui, prévenu, détourne l'objectif quand le coureur pisse en roulant. Les rêves de faire une Valkoviak, les comptines qu'on se récite pour oublier la douleur, le boulot d'équipier, le racisme ordinaire, la soif, la mort. Et le dopage aussi, un peu forcément. Ce récit est celui, quelque part, de celui qui, par son échappée, se libère d'un système rendu à double tranchant par le média omniprésent. D'un côté, le tour guide bleu Michelin, oubliant le populaire pour se faire populiste. D'un autre, le tour ultra-libéral des sponsors et des organisateurs. Et puis ce récit est entrecoupé du mystérieux code Wegmüller, dont l'auteur n'est pas connu, mais dont le nom rend hommage au coureur suisse chien fou et adepte des longs raids en solitaire. L'échappée, selon ce code, c'est aussi une esthétique, celle de l'individu poursuivi par la meute, celle d'un combat perdu d'avance, don quichotesque mais nécessaire. Je cite. Le coureur cycliste ne doit pas composer avec le monde extérieur, il doit oublier ceux qui le regardent, ceux qui ne le voient pas, ou si peu, au bord de la route, et ceux qui le voient et qu'il ne voit pas, ceux qui sont devant leur poste de télévision. S'il pense à ces gens qui l'observent, c'est une perte d'énergie. Tous ces spectateurs lui prennent chacun un morceau de fibre musculaire pour le déguster à petit feu. Il le vide d'un peu de force. Le coureur est seul, c'est lui qui s'appuie ou non sur les pédales, c'est donc lui qui décide d'être sourd. S'il laisse traîner ses oreilles, les autres roulent dessus. Ce code Wegmüller est la manifestation la plus claire de cette métaphore ouvrière qu'est 54-13, une métaphore d'une esthétique de la culture qui démontre en définitive que le sujet prolétaire n'est pas un sujet comme les autres pour l'auteur conscient, que le cyclisme n'est pas prétexte à la littérature, mais que la littérature à ce niveau s'adjoint à la grandeur du cyclisme. Je cite une fois de plus le code Wegmüller. Le coureur cycliste sait qu'il reste souvent un prolétaire, respectant des règles précises, faisant confiance à son entreprise et roulant pour un patron. Mais le coureur cycliste peut être un révolutionnaire. À un moment donné, imparable, il peut s'opposer à la loi et tenter de renverser les valeurs de sa petite société. Pédale, camarade, le vieux monde est derrière toi, car petit à petit, il y a le réel qui rattrape avec son cortège de souffrances, de malheurs, de petites mesquineries et de vrais embrouilles. 54-13 est réédité cette année par les éditions Atalante et fait l'objet d'une interprétation et d'une mise en scène de Jacques Bonafé. Je vous en propose tout de suite un petit extrait. 1:10 ! Ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant. Avant, oui, dans les petites courses, les Flandres en hiver... Avec le père qui attendait dans la 504, d'occasion la Peugeot, avec maman qui tricotait ou faisait du sport cérébral. Oh. Papa, il se garait toujours à 100 mètres avant l'arrivée sur le bas-côté. Comme ça, si j'abandonnais, personne pour me voir. Il embarquait le vélo sur les sièges rabattus à l'arrière. Maman m'enveloppait d'une couverture, me servait du café chaud et on repartait en sens inverse. Pour moi, ça va être dur. C'est pour le plaisir. On entretient la forme, peut-être. Sans rien dire, sans reproche. Ça va, il me faisait simplement. Et c'était pareil le dimanche suivant. Et quand je gagnais, même chose. Pas un mot de trop. Il souriait un peu plus. C'était tout. Et c'était bien. À cette époque, souvent, j'avais une minute d'avance. C'est à Dunkerque aussi qu'on a appris que le vainqueur à Paris gagnerait une sculpture. 30 cm de haut, transparente, cristal lalique satiné. Tu parles d'un cadeau. On a vu une photo au village départ. Un truc rond avec un peloton dessus. Même ma mère n'en voudrait pas sur la télé, à côté de la poupée espagnole. Alors que les coupes, ça c'est bien. Les coupes... La tradition, le vélo bien sûr, mais aussi hein, les boules, les pigeons, la quine, les coupes, comme dans les cafés. Mon père, il en a déjà plein, ces pigeons. Un pigeon qui revient premier, une coupe. Un pigeon qui arrive deuxième, hop, une coupe. Il en a un vrai service sur le buffet. Ma mère un jour s'en est servie pour des cafés liégeois. La gueule de mon père, mi figue, mi raisin. C'est la troisième partie de notre colloque sur le cyclisme dans Selle, Massages et Vendée. Flamme rouge, le sprint, l'arrivée. Docteur, à vous la parole pour notre dernier débat. Oui, Manuel, eh bien, merci pour cette formidable chronique qui évoque effectivement un jeune coureur qui, à un moment donné, dévoré par l'appétit de victoire, finalement utilise quelque chose qui est une largesse du peloton. On a le droit de sortir du peloton pour aller saluer en fait sa famille et qu'il utilise pour arriver premier à la fin de l'étape. Et c'est vrai que c'est un des problèmes du cyclisme en général et du sport en général. C'est celui finalement de vae-victis, malheur au perdant surtout. Et puis la fin justifie-t-elle les moyens ? C'est-à-dire qu'en cyclisme, il arrive souvent qu'il y ait des coups frais. C'est-à-dire que c'est un sport individuel qui se joue de manière collective. Mais très, très, très, très souvent, on s'aperçoit que les individus ont tendance à tirer la couverture à eux. On a presque eu envie, et on a presque envie de fantasmer parfois la panne des oreillettes. Presque envie de se dire que ce problème de raccord électrique entre directeur sportif et coureur devrait s'arrêter un jour pour les considérer de seul à seul. C'est une autre chose, mais je vous laisse la parole. Non, mais c'est sûr que c'est un des côtés qui pose un petit peu problème. C'est-à-dire que le cyclisme, on a l'impression que malgré cet idéal général de la victoire, non pas finale, mais de la victoire d'une étape, par exemple, eh bien, il suscite toutes les tricheries. Et c'est vrai que ce soit dans le sprint, où on a très souvent l'occasion de voir, par exemple, des coups qui se jouent, alors qu'il n'y a pas besoin, normalement, de mettre des coups en cyclisme, on s'aperçoit que bien le cyclisme laisse libre cours, finalement, à un individu qui est dévoré aussi par son ambition et sa soif d'arriver quelque part. Il faut voir le sprint, comment il est mené. C'est quand même une discipline qui est réservée aux sprinteurs et ce n'est pas pour rien. Les rouleurs roulent, les sprinteurs sprintent, les grimpeurs grimpent. Certains coureurs complets ont remporté des tours, tels que Lance Armstrong, remporté on sait comment, Indurain, Hino étaient tous des coureurs complets, c'est-à-dire excellents en montagne, mais relativement corrects dans les courses de plaine. Par contre, ils n'étaient jamais dans le sprint. Le sprint est réservé aux sprinteurs. À part Eddy Merckx, crois-je. Je crois qu'Eddy Merckx était aussi sprinteur et avec, par exemple... Le record de l'heure aussi. Voilà. Donc, une discipline de pistard, donc a priori de sprinteur, effectivement. Sauf que peut-être que le sprint est devenu aussi un moment beaucoup plus technique aujourd'hui et beaucoup plus dangereux aussi. Et du coup, pour un leader visant le classement général, c'est peut-être un peu compliqué de se mêler à ces funambules du... À cette dangerosité, effectivement, inhérente au sprint. Effectivement. On en a pour preuve la chute d'un certain coureur que nous annoncerons après. Qui, si j'ai bien revu la vidéo tout à l'heure, a clairement commis un écart de trajectoire de par la vitesse et de par un manque de lucidité inhérent aux 200 km avalés juste auparavant. Mais c'est vrai que pour reparler des sprinteurs, on a un certain Laurent Jalabert, dont on pensera ce qu'on voudra, mais qui était quand même un sprinteur accompli. On se souvient de sa chute à Armentières en 1994 et qui par la suite est le dernier Français vainqueur d'un grand tour. Je crois que c'est la Vuelta, il me semble que c'est en 96, mais peut-être que je m'abuse en disant ça. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir qu'au final, c'est assez intéressant en même temps, quelque part, décevant de voir qu'un coureur de cette envergure-là peut gagner un Tour de France, parce qu'on ne s'attendait pas du tout en le voyant sprinter, et on se dit, est-ce que tout ça n'est pas qu'une forme de... Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre rouleur, sprinter et grimpeur, dans le sens où s'il n'y a pas de trop grande pente, finalement on voit qu'ils peuvent avaler ces pentes-là. Un coureur avale de toute manière, on va laisser peut-être la parole au coach, qui a quelque chose à nous ajouter. Bah, on peut déjà quand même se dire que les sprinters, globalement... les montagnes, ils les font. Ils les font certes moins vite que les autres. Mais je dans le groupe Eto, mais ils les font, ouais, exactement. Et je pense qu'on n'arriverait pas à les suivre, malgré tout. À part Cipollini. Et, Il y a aussi quand même généralement un sprinter correspond quand même à certains physiques qui est plus lourd que pour les autres. Qui est le rapport poids-puissance est tout à fait mauvais pour la montagne, par exemple. Il a chargé, il a des cuisses surtout. Il a une musculature et une taille plus importante. Voilà, généralement, ils sont plus grands. Exactement, 1m75, 80, 85, voilà, 90 pour certains. Il dépasse même les 80 kilos, alors qu'un grimpeur fait généralement moins de 70 kilos, un bon grimpeur. Un bon grimpeur est affûté, il est entre 60 et 65 kilos. Mais alors, excusez-moi coach, je vous laisse terminer. Pardon. Je pense qu'aussi, il y a effectivement quelques coureurs complets, mais on est de plus en plus, à mon avis, en voie d'hyperspécialisation des profils au sein des équipes. Certes, mais après, un gagnant du Tour de France sera toujours ce coureur complet auquel échappera seulement le sprint, peut-être pour ce que vous avez ajouté Doc, c'est-à-dire pour la dangerosité inhérente au sprint, Manu, pardon. Mais ce sprint-là sera du coup ce que j'appelle une chasse gardée. Une chasse gardée et puis une bien maigre récompense, le maillot vert. Le maillot vert, la course à points, la course au sprint, telle que pourrait presque l'être la course au point dans la montagne. C'est-à-dire quelqu'un qui serait un second couteau, mais qui gagnera. Mais alors les sprinteurs auront les classiques, par contre, les courses one-shot. Un bon sprinteur, sur une classique, est-ce un avantage? Je ne sais pas. Après, Philippe Gilbert qui a gagné Liège, par exemple. Des coureurs comme ça, des punchers, tels que des Jackie Durand, qu'on a connu, mais qui n'a pas gagné grand-chose, vu qu'on parlait des Français seconds, seront ce profil type qui encaisse les kilomètres, qui encaisse les bosses, et qui peuvent se débrouiller parfois sur des arrivées au sprint, c'est-à-dire sur qu'est-ce qu'une arrivée au sprint ? C'est un peloton ou un groupe de coureurs qui n'a pas réussi à se départager. Voilà. Le sprinteur est là pour faire la différence et pour montrer, grâce à sa puissance et à son effort, qu'il est encore le plus rapide, à condition que ce soit un sprint. Et il y a différents sprinteurs. Un sprinteur long, un sprinteur court. Petite parenthèse, 54-13, voilà. Est-ce un bon braquet? Je lisais tout à l'heure que Cavendish avait gagné quelques étapes avec un 53-11. 54-13, c'est peu ou prou le même développement. Moi, je voudrais revenir sur Jalabert pour compléter ce débat, puisque finalement, non seulement il a démarré sa carrière en tant que sprinteur valeureux, il a gagné plusieurs étapes du Tour de France, semble-t-il, plusieurs maillots verts. Il a gagné un grand tour qui est le Tour d'Espagne, mais il a fini aussi avec plusieurs maillots à poids, cependant sans gagner d'étape. Donc il a aussi évolué vers un profil de grimpeur, certes peu ambitieux, puisque maintenant on peut gagner le maillot à poids sans gagner une seule étape du Tour de France par exemple, mais toujours est-il que son physique, a priori plus lourd de sprinter au départ de sa carrière, a dû évoluer, j'imagine, pour pouvoir par la suite changer de carrière. Oui, grâce à la fonte musculaire, grâce aussi à l'évolution de son profil, effectivement, et puis son envie et peut-être son ambition, j'ai envie de dire quand même, de prétendre à des places au classement général. Car la particularité des classements à étapes, c'est d'être au classement général. Lorsque j'explique à des amis qui ne pratiquent pas du tout le vélo ou à mon fils qui a 2 ans et demi, qu'est-ce que c'est qu'un classement général ? Eh bien, ce n'est pas forcément de gagner toutes les étapes. C'est d'être en avance en termes de temps sur le kilométrage. C'est une particularité. Bien sûr, mais c'est vrai que moi, j'ai envie de raviver la mémoire de celui qu'on appelait le cannibale, Eddy Merckx, oui, qui, lui, par contre, n'avait pas du tout cette peur de sprinter à l'arrivée. Et actuellement, la multiplication des types de classements, la multiplication des primes à l'étape, des primes au sprint intermédiaire, fait que finalement tout le monde est gagnant à cette loterie qui est le Tour de France, en tout cas toutes les équipes qui participent. Et ça joue au final d'un certain désintérêt pour la victoire finale qui devrait être avant tout le but poursuivi par tous, mais qui ne l'est pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des équipes qui s'orientent vers le sprint, par exemple, qui vont s'orienter vers la défense d'un maillot à poids sur un coureur dont on ne connaissait presque pas au départ. Et ça, c'est un peu bizarre. On a l'impression d'une forme de lot de consolation dans le Tour. On a parlé que beaucoup du Tour de France pendant ce colloque. celle Massages et Vendéus. Mais on sort à peine de la saison des classiques, les classiques de printemps, tels qu'on les appelle. Et moi, deux choses m'ont un petit peu interpellé dans le cadre du, on va dire, du palmarès de ces classiques de printemps. C'est d'abord que Françoise Sagan a remporté Grand Vélégem et le Tour des Flandres, et qu'un certain Puels a remporté hier la doyenne des classiques. Voûte de son prénom. Liège-Bastogne-Liège. Est-ce qu'on peut dire un mot de ce palmarès ? Le palmarès de Liège-Bastogne-Liège, bah, palmarès excellent. J'ai envie de dire que le Cannibal l'a gagné 5 fois déjà, et que c'est un grand coureur gagnant du Tour de France qui a gagné 5 fois l'étape reine, l'étape doyenne. Et c'est assez rare à souligner, puisque quelqu'un comme Miguel Indurain, par exemple, lui aussi peint un vainqueur, n'a gagné aucune classique, crois-je. Absolument. Donc après cette doyenne, effectivement, qui a été tassée aujourd'hui par une dernière côte pavée dans la commune dont je tairai le nom car je l'ai oublié. Voilà. Merci Doc. C'est pas à Liège alors que ça se finit, Liège-Bastogne-Liège. C'est une commune de Liège. D'accord. Voilà, une proche commune. Donc une étape qui tient dans le quinquennat des grandes étapes de printemps, effectivement les grandes classiques. Je pense que Liège est une des grandes étapes qui tend à synthétiser un petit peu toutes les grandes qualités d'un coureur, c'est-à-dire la puissance, c'est-à-dire aussi l'endurance, car ça fait plus de 250 km. C'est-à-dire aussi la capacité de démarrer dans des côtes et la capacité aussi de sprinter. Donc on a ici une doyenne qui cache bien son nom, car c'est une course résolument moderne qui va résumer en une seule étape ce que peut faire un coureur et ce que doit faire un coureur. C'est-à-dire pouvoir courir en équipe, car le peloton est souvent groupé, mais aussi pouvoir démarrer de manière forcément individuelle et essayer de remporter quelque chose qui s'apparente à un des grands trophées pour un coureur. 7 tours en 9 syllabes, c'est l'intitulé, mon cher docteur, de votre chronique qui va faire un peu la synthèse de ce colloque. Celle Massages et Vendéus sur Radio Galère. 7 tours en 9 syllabes. 1991. Après ses victoires à Lyon et Reims lors des premières et quatrième étapes, Djamolidine Abdoujaparov chute sur les Champs-Élysées. Il ralliera la ligne d'arrivée à pied pour endosser son premier maillot vert, obtenu devant Jalabert et Ludwig. Héritier des sanguinolents maîtres des steppes asiatiques, Djamolidine est craint de ses adversaires. Non pas tant parce que sur le tarmac, l'herbe ne repousse pas derrière le sillage d'Abdou, diminutif employé dans un peloton toujours prompt à faire l'économie d'un effort orthophonique. Non, Djamolidine Abdoujaparov est davantage redouté pour sa folie quasi meurtrière dans le dernier kilomètre. Il sprinterait, selon la légende, les yeux fermés. 1992, Djamolidine est éliminé de la grande boucle hors délai lors de la 13e étape à Sestrières. 1m72 pour 72 kg, notre coureur dispose d'un gabarit ramassé et peine en effet en montagne. Abdoujaparov n'est pas une danseuse et quand il décolle de la selle, c'est pour défoncer ses pédales et filer à 70. Contrairement à d'autres adeptes du plat pays, si Djamolidine considère bien la première semaine comme son terrain de prédilection, il sait aussi finir les grands tours dans l'anonymat des groupettos. Et visiblement, ce jour-là, alors que 17 coureurs quittent la caravane, il valait mieux ne pas miser sur la roue de Mauro Gianetti. 1993, Dinard, Bordeaux, Paris. Djamolidine l'emporte par 3 fois sous le maillot de la Lamprée. Il est sur une autre planète au classement par points où il obtient près du double du score de son poursuivant, Johan Mousseou. Né en 1964 à Tashkent, Djamolidine Abdoujaparov est certainement le premier ovni du cyclisme post-soviétique, comme l'était un certain Andrei Chesnokov, corde en main. Andrei caresse la balle comme un violoniste, faisant feu de tout bois. Quant à Djamolidine, il chevauche son canasson accru. Il n'y a en effet personne pour lui mettre le pied à l'étrier. Sur la Pravda de Tashkent, le vrai loup des steppes, c'est lui. En 1994, son maillot jaune Polti disparaîtra au soir de la première étape. Djamolidine voit en effet le tour en vert. 3e maillot, il n'en manque qu'un pour égaler le record de Sean Kelly. Enfant de la guerre froide, Djamolidine Abdoujaparov a pour coutume de partager involontairement le monde en 2 camps. Les crétins impropres à prononcer nom ni prénom se contentant du surnom Abdou. et les pédants s'amusant à insister sur la prétendue harmonie se dégageant du patronyme de l'ouzbek. Je fais, comme vous l'avez saisi, partie de la seconde catégorie. 1995, Cipollini et Zabel pointent leur casque. Jalabert prend les points, mais c'est bien Abdou Japarov qui s'impose sur les champs, cheveux au vent, une dernière fois. Contrairement à d'autres illustres finisseurs de l'époque, Jamaluddin pratique un sprint tout en débrouillardise où il faut s'insérer dans la roue de ses principaux adversaires ou des poissons pilotes censés emmener leur leader dans les meilleures conditions pour les derniers 500 mètres. Sa photo, point levé, rageur, moulé dans son maillot de la novelle, ne quittera plus ma chambre à coucher. Jafia, pour ses proches, est mon héros. En 1996, Abdou Japarov s'incline au classement par points derrière Zabel et Moncassin, mais s'impose tout de même à Tulle le 14 juillet. À 32 ans, Jamaluddin sait qu'il lui faut courir différemment. Comme un numéro 10 devenu libéro, le sprinter se fait puncher. En gagnant à Tulle, en plein massif central, il éveille même les soupçons quant à une reconversion en grimpeur façon Jalabert. Il n'en fallait pas plus pour sacrifier le dangereux ouzbek qui s'engage chez Lotto l'année suivante. 1997, 11 juillet, Le Blanc m'arène, ma première étape du tour, la dernière pour Abdou Japarov, victime d'une grossière machination. À 13h, nous franchissons le pont d'Oléron pour nous garer à Boursefranc, à quelques kilomètres de l'arrivée. J'apprends alors que mon idole s'est échappée au cours de l'étape. Je n'en récupérerai même pas un cochonou agrippé que je suis au poste de Radio Tour. Bien évidemment, son camarade d'échappée refuse les relais. Mais même repris à quelques kilomètres de l'arrivée, Abdou Japarov finira troisième du sprint. C'est un géant que je ne pourrais hélas apercevoir. Je récolterai à peine un autographe de Thierry Bourguignon, pensionnaire d'Aubert 93. Derrière, les commissaires s'affolent. Zabel est déclassé pour un coup de tête sur Nazon. Stills exclu pour jet de bidon sur Moncassin. Blyle Evans remporte l'étape sur tapis vert. Abdou Japarov est second. Je m'endors plein d'espoir pour me réveiller anéanti. Dans la soirée, Jamaluddin Abdou Japarov disparaît du Tour de France. Après 6 contrôles positifs aux anabolisants au cours de l'année, le dernier en date lors de la seconde étape du Tour à Vire, l'homme aux 9 syllabes s'éclipse. Mais Jamaluddin Abdou Japarov restera à jamais épinglé à mon chevet. Merci docteur, ça conclut parfaitement ce colloque sel, massage et Vendée-U. Je vous remercie et je remercie ainsi que le coach pour ces deux belles croquines. Merci à vous messieurs. Merci Manuel pour la vôtre. Et puis le mot de la fin à notre invité, ce cher Julien. Vous n'avez pas fait le Tour de France, Julien. Je n'ai pas fait le Tour de France, j'ai fait le tour de ma France, j'essaye de faire le tour de mes questions. Une de mes questions actuelles, c'est de réaliser un court-métrage que je suis en train de produire, d'essayer de faire produire plutôt, qui s'appellera Grillade, etc., une espèce de comptine populaire qui rassemble quelques héros, dont l'un qui fait du home trainer, effectivement, dans son garage, dans son salon, pour essayer de voir venir les choses, qui prend l'effort du vélo comme le voyage Harry, comme aurait pu parler notre cher Alfred, et le faire indéfiniment, comme l'amour. Voilà, il y a ce petit cours à venir et puis une petite bibliographie rapide que j'aurais aimé simplement esquisser de mémoire des grands films comme Parpaillon de Luc Moulet, comme Le Surmal évidemment, même si on le connaît tous et toutes, en tout cas j'espère. Il y a Sunday in Hell de Jorgen Less, un documentariste qui nous a fait le plaisir de documenter Paris-Roubaix sous la houlette de Eddie Merckx lorsqu'il était chez Molteni. Un magnifique film, tout en couleur, tout en rondeur, tout en souplesse. Un très très beau film. Et remercier surtout les gens qui m'ont invité aujourd'hui. Notre cher coach et notre cher doc. Et notre cher Manuel. Emmanuel. Merci à vous chers amis. On se retrouve dans 15 jours, si je ne m'abuse, de nouveau sur cette antenne. Débattons d'Anguirou reprendra ses droits. Nous parlerons football et photographie, je crois bien. Bonne nuit à tous et à très bientôt. Bonsoir. Hey, Don Pedro. Si. Quel est ton secret pour aller si vite? Tu voudrais bien le savoir, hein? C'est une potion spéciale. Je vais te raconter. Uno, dos, tres. Te quiero. Te quiero. Grâce à toi, je serai. Sur les chemins de la France, je profite des beaux jours. Faut pas trop que je me dépense si je veux gagner le tour. Je me balade en bicyclette, grands efforts et sans complexer, loin devant le peloton, je fredonne une chanson. Pero, te quiero, grâce à toi, je serai. Plus vite que Tornado. Quand j'ai un petit coup de pompée, à vélo, je m'arrête au bord d'un champ de pavot. Alors je sors de ma gourde, un bon vieux remède d'antan. Et quand vient la fin de l'étape, on m'acclame comme un héros. Le champagne, moi je m'en tape. Je préfère mon EPO. EPO, te quiero. Grâce à toi, je serai numéro uno. EPO, te quiero. Grâce à toi, j'aurai le plus beau des maillots. Une longueur d'avance, un produit que le monde entier nous envie. Pour vous et votre vélo, c'est EPO qu'il vous faut. Merci à toi, mon EPO. EPO, te quiero. Grâce à toi, je serai numéro uno. EPO, te quiero. Grâce à toi, j'aurai le plus beau des maillots, plus mignon que Laurent Fignon.